Vendredi 15 septembre 2024, à l'aube, trois personnes grimpent dans un camion vers Rungis. Elles partent de la caboteuse, un squat à Romainville, à la récup. J'aime bien aller à la récup. Je trouve que Rungis, c'est vraiment un endroit incroyable. C'était dit 6h, 6h15, là tu vois, c'est 6h15, c'est parfait. Hop là! Ah, primeur Saint-Denis avec le tampon du billet sur la table. Allez-y, B2. B2. Alors, est-ce qu'on fait Dynamis ou est-ce qu'on fait ce qu'elle m'a dit d'abord? Dynamis à côté, non? Dynamis, celui qui est derrière, là? Ouais. Bon, on le fait. Hein. On a une liste de fournisseurs que, du coup, on connaît assez bien. Tu te déplaces en B1, puis ensuite tu vas en F2. Pour le dire d'un point de vue purement pratique, c'est des hangars et des hangars remplis de bouffe, quoi. C'est un dédale de petites rues qui ont que des noms de villes françaises d'ailleurs. Comme rue de Besançon, rue de Strasbourg. Ça décrit une sorte de damier, c'est assez orthogonal hein, comme on peut l'imaginer, qui dessert des zones. Ces zones, c'est des complexes de plusieurs hangars. Il y a ce qu'ils appellent la marée, ça va être les poissons, les fruits de mer, nous on n'y va jamais. Il y a les viandes, les laitages, les fromages, et après il y a tout ce qui est légumes. Si on peut faire fruits d'or, dynamis ou royal. Ah non, le fromage. Ouais, c'est où? C'est là ou c'est plus loin? On va faire le fromage d'abord. Je m'attache pas. Je peux pas aller avec. Bah, c'est une petite halle où on demande à plusieurs, ouais. C'est là, oh là, le petit fromage. Oh, regardez-moi ces belles tofs. C'est là, là, le petit fromage. Putain, ça sent déjà le vieux panard, quoi. Donc ça, c'est le camion de la récup. Bah, on y tient beaucoup, ouais, parce que bah, déjà parce que c'est un bien collectif. Je pense que c'est le truc qui fait qu'il a le plus de valeur. Symboliquement, en tout cas, ça a une valeur assez forte, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. Je sais pas comment le dire pour un camion. Mais... Bon, moi, j'irais pas jusqu'à le considérer comme une personne, quand même. Enfin, j'ai bien vu que c'était un camion, quoi. Mais il a quelque chose d'attachant dans le sens où c'est à chaque fois en ouvrant ses portes qu'on a notre nourriture de toute la semaine qui arrive, quoi, et qui est le fruit quand même de plusieurs heures de travail, de nuits courtes aussi. C'est aussi ça qui nous permet de bouffer. C'est aussi ça qui nous permet de faire 30-35 paniers par semaine pour les voisins, quoi. Il y a des avocats, il y en a pas mal. Bon, comme d'habitude, ils sont toujours un peu genre vieux, faut les manger super vite, quoi. Il y a du basilic qui sent trop bon, qui vient une odeur dans tout le camion. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, mais il y a beaucoup de quantité. Beaucoup de concombres, ouais. Bon, bah, faut qu'on fasse le plus gros pesto de tous les temps, là, du coup. Ouais. On a 10 kilos de basilic. Un pesto, c'est une base qu'on va utiliser dans notre cuisine quotidienne. Alors, la particularité, c'est que déjà, on fait la récup, c'est un sacré boulot, et qu'on ramène plein de légumes et tout, et d'aromates, parce que c'est des aromates, et bah, c'est de les sauver. C'est pas d'attendre qu'ils pourrissent et qu'ils finissent pas au compost, et de trouver des façons faciles de les conserver. En fait, c'est sauver les légumes. Déjà, c'est fait par mes petites mains, c'est plein d'amour. Quand même, ça compte. Dans le goût, je pense. On fait tout maison. Le four, il est maison. Le bois, on va le récup. Et on ne prend pas de la palette, hein, pas de trucs traités. tout participe, à part la farine qu'on ne pas nous-mêmes, quoi. C'est comme un pull que tu tricotes avec tes petites mains, il est plus beau. C'est en termes de temps que c'est un petit peu chronophage, très clairement, parce que voilà, on est feuilles et tout. Comme beaucoup de gens, de toute façon, on est tous issus des gens de la campagne, tout prend du temps. Il y a un moment, si tu fais de la confiture, il faut des noyautés, la cerise et tout ça, quoi. Là, ce qu'on fait, c'est pas si pire, tu vois, on peut se mettre autour d'une table, on peut écouter de la musique, on peut... C'est un moment qui est pas désagréable, en vérité. On met pas les mains dans le cambouis, là. On met les mains dans le basilic, quoi, et ça change tout. Là, on a quoi ? Ah, bah là, on a des surprises. Ah, il y a des asticots sous vide. Des asticots sous vide. Sympa ? Ouais. Il y a aussi des asticots près sous vide, là, d'ailleurs. Là, ça sent le... La pourriture, hein, pour le dire assez simplement. En fait, le problème, c'est que notre étalage, il est en bois. Du coup, le bois, c'est assez poreux. Et quand les légumes vieillissent parce que, ben, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, parce que qu'on néglige ou quoi, et ben derrière, le truc, il est imprégné, en fait, du jus de légumes pourri, quoi. On va potentiellement se faire dégager, quoi, du squat. Et du coup... ça fait que les gens, ils se désagrègent, quoi, vraiment littéralement, quoi. Ils partent chacun de leur côté. À l'image des légumes qui s'abandonnent sur l'étalage en bois poreux, le moral du collectif se décompose. Face à la pression judiciaire que la menace d'expulsion fait peser sur le lieu, au 15 septembre, la caboteuse est dans l'incertitude. Malgré tout, on prépare les paniers de fruits et de légumes. Il est bientôt 14h. C'est maintenant l'heure de la distrib. Il y a la distrib, les gens, s'il vous plaît. Ok, allez, on est parti. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de bananes ? Est-ce que c'est possible que les gens qui n'ont pas eu, ils viennent devant et ceux qui ont déjà eu, ils se mettent derrière ? Tu vas acheter des légumes, des fruits. Tu vas acheter, tu ne gagnes pas même pas l'argent, c'est difficile, hein, parce que je ne gagne pas l'argent, voilà, tu vois. Même pour acheter les chaussures, c'est pas tous les 3 mois que je vais acheter des chaussures. Par contre, les poivrons, les c'est beau, ouais. C'est bien pour nous quand même. C'est important. Hein. C'est important, c'est vrai, hein, parce qu'on ne gagne pas. Ah oui. Moi, j'ai besoin de projets, voilà. Courgettes, des carottes, des... Comment ça s'appelle encore? Des tomates. On aime tous les fruits, presque. Surtout les bananes, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui reste? De la mâche et du cresson. Et des melons chelous. Ils sont dans un état assez épouvantable, ceux-là. Par contre, c'est cool de parler des produits que tu te donnes, même si là, bon, c'est assez sportif quand même, donc il n'y a pas trop le temps de jouer à la marchande, malheureusement. Ouais. Mais c'est sportif parfois, mais c'est jamais violent. Si, ça a été violent des fois. C'est mais dans un mood un peu autoritaire, enfin, ouais. T'es obligé de... Il y a une gestion quand même à faire Je sais pas, des gens, il y en a qui abusent et t'es obligé de mettre des limites, quoi, et c'est pas agréable, mais je pense que c'est... Tu vois, il y a une tension quand même. Hey, madame. Oui. Madame. Il n'a pas gardé le poids. Arrête-toi, là. Mets tout dans son chariot, madame. Oui, c'est la même chose. Ne mets pas ça, Lulu. Toutes les semaines, madame, on vous dit d'attendre, et vous, vous attendez jamais, vous vous servez, et après, vous revenez voir dans les autres. Là, on fait quoi avec un panier comme ça, madame, là? Bah, en fait, il y a eu plusieurs dispositifs, j'ai l'impression. Genre, au début, on n'avait pas la table, on n'avait pas les paniers. Et en fait, petit à petit, on a essayé de cadrer un peu plus, de faire des paniers, de faire une liste, de mettre une table avec les trucs à disposition, de demander aux gens de faire la queue leu-leu, entre guillemets, enfin, de se mettre en rang, quoi. Et tout ça, ça a contribué au fait que En fait, je crois que ce qui a contribué au fait que ça fonctionne bien, c'est que les gens ont appris à se connaître aussi un peu plus dans ce contexte-là, qu'ils ont vu que nous, on n'avait pas envie de gérer toutes les petites velléités qu'ils peuvent avoir de prendre tel légume avant tel autre ou quoi. Et qu'ils ont réussi à gérer ça, mais aussi pour nous. Aussi parce qu'ils voient bien que nous, on fait du taf bénévole et qu'on n'a pas envie de gérer ça en plus. Quoi. Alors, les tomates, une tomate par personne. Les gens se chargent aussi eux-mêmes de la régulation du trafic de légumes, quoi. Enfin, genre, il y a aussi des codes sociaux qui vont faire qu'on est plus ou moins à l'aise de s'exposer dans une situation où on récupère. Parce que quand on récupère des légumes gratuits, on s'expose aussi à être perçu comme une personne dans le besoin. Et donc ça, on le voit aussi dans les réticences que peuvent avoir certaines personnes à être identifiées, à donner leur nom, à être enregistrées ou ce genre de choses. Parce que c'est être assimilé à des personnes précaires. Ce que, dans la réalité, beaucoup de gens, et nous y compris, sont. Mais ça, c'est compliqué de s'affirmer en tant que personne précaire, quoi, en venant à la récup. Bon, on va passer le balai. Le 30 octobre 2023, deux jours avant la trêve hivernale, la vingtaine d'habitants de la Caboteuse est violemment expulsée par les CRS. Oh là là, les salades, c'est à manger, hein. C'est pas ça, c'est pas. Un des derniers grands squats de l'Est parisien ferme ses portes. Les habitants se dispersent à droite à gauche. Et le collectif se dissout. Attends, avant de fermer, je vais prendre le poubelle. Quant au camion de la récup, utilisé par plusieurs collectifs de Romainville, Bagnolet et Montreuil, il continue son chemin.